ralentir sous les bosses. La guerre, la guerre. Et qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la guerre? La guerre, la guerre. C'est comme si c'était mon frère. À la pression, en bâton de galette. On va en vétéro et on pète. Mais si jamais je trouve.